Dans ses yeux, il y a la famille. Elle me regarde, j'ai tout compris. Comment faire pour vous la décrire? C'est plus facile en mélodie. C'est plus facile en mélodie.